5. L'âne. La cité des nuages et des oiseaux, d'Antoine Diogène. Folio Epsilon. Les histoires d'hommes transformés en ânes, tels le célèbre récit picaresque d'Apulée, l'âne d'or, se sont multipliées dans l'Antiquité gréco-latine. Diogène puise sans se gêner dans la tradition. Reste à savoir s'il l'a enrichie à sa manière. Traduction de Zeno Ninis. Sitôt que la chouette se fut envolée par la fenêtre, je m'engouffrai dans la chambre. Pendant que je me débarrassais de mes vêtements, la servante ouvrit le coffre et fouilla parmi les peaux de la sorcière. Je me frottai tout le corps avec l'onguent qu'elle avait choisi et pris 3 pincées d'encens pour les jeter dans la lampe, imitant les gestes de la sorcière. Je répétai alors les mots magiques, et la lampe brilla plus fort avant de s'éteindre, de la même façon que tout à l'heure. Je patientai, les yeux clos. Bientôt ma chance allait tourner. Encore quelques instants, et je sentirais mes bras devenir des ailes. Je m'élèverais d'un bond, tels les chevaux d'Hélios, et je prendrais mon envol vers les étoiles, en route vers la cité céleste, où le vin coule à flot dans les rues, et où les tortues portent des gâteaux au miel sur le dos. La cité où nul ne manque de rien, où le vent d'ouest souffle en permanence et où chacun est doué de sagesse. La métamorphose commença dans la plante de mes pieds. Mes orteils se rapprochèrent pour fusionner, et mes doigts firent de même. Mes oreilles s'allongèrent, mon nez changea de dimension. Je sentis ma figure qui s'étirait et jaillir ce que j'espérais être des plumes.